This highly useful device can give such effects as pitch bend, modulation, depth control, filter, speaking, sample hold, arpeggios, and many more. This switch is useful for triggering either or both MS1 envelope generator or for triggering external device, another synthesizer or sequencer. In addition to the internal patching system discussed above, the MS1 synthesizer features a versatile movement panel, which gives you multi-sample creative possibility. The follow is the listing of the patch connection ever. Thank you. faire rien des forces sonores intérieures des chansons autour du son. Le volume, le timbre et le temps d'attaque de chimie synthétiseur à l'aide des écouteurs de ton et d'enveloppe incorporée. L'enveloppe incorporée prolonge le signal de décrochement jusqu'à la fin du temps de tenue. Cet espace utilisé catalogue, c'est un espace pour mettre les scories AVS.